إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence un nouveau cours et le cours qu'on commence inshallah c'est le sharh de Fadl al-Islam, sharh kitab Fadl al-Islam. Qu'est-ce que ça signifie « Fadlul Islam » On peut le traduire de différentes façons, mais sinon on peut le traduire d'une façon assez simple et claire en disant que c'est un livre au sujet de l'excellence de l'Islam. De l'excellence de l'Islam, je vous excuse, voilà. Donc de l'excellence de l'Islam, de la supériorité de l'Islam, de la grâce de l'Islam, on pourrait dire aussi du mérite de l'Islam. Donc tout ça, ça rentre dans la signification du terme Fadlul Islam. Et donc c'est une petite risale écrite par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On en a fait plusieurs. Et il y a une raison pour laquelle j'ai voulu qu'on lise ensemble et qu'on étudie ensemble la plupart des livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Peut-être que certaines personnes s'en sont aperçues, s'en sont remarquées qu'on a fait beaucoup de livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il y a une raison pour ça. j'ai pas fait ça au hasard et pour n'importe sans raison. J'ai fait ça, inshallah, pour une sagesse. C'est parce que il y a une tendance chez certains frères salafis d'essayer d'éviter de parler du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou d'essayer d'étudier et de lire les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab parce que ils ont peur de des accusations qui sont faites contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et que certains parmi les gens de Bid'a aiment utiliser pour essayer de salir justement la réputation du Cheikh. Donc ils l'accusent de toutes sortes de choses fausses. Et donc certains frères, ils pensent que ça fait partie de la sagesse de ne pas mentionner le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de ne pas lire ses livres et de ne pas les étudier. Et moi je considère que c'est le contraire. Je considère que c'est une erreur de ne pas lire ses livres et de ne pas les étudier, parce que je pense que ça encourage les gens à continuer à avoir cette mauvaise idée à propos du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et à continuer à faire en sorte que les gens continuent à répandre ces fausses choses à son sujet. Donc le fait qu'on lit les livres du Cheikh ensemble, et qu'on les étudie, et qu'on écoute les paroles des ulama, comment ils ont expliqué les paroles du Cheikh, ça fait en sorte qu'on réalise de nous-mêmes quelle était sa da'wah, quel était son message, c'était quoi son enseignement, et en même temps ça nous permet de réfuter toutes les faussetés et les mensonges qui ont été dites contre lui, les choses fausses qui ont été dites contre lui. Et ça c'est important. Donc, alhamdoulilah, maintenant, n'importe quelle personne qui voudrait savoir qu'est-ce que c'est la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, essaie de comprendre c'est quoi son message, c'est quoi sa da'wah, est-ce que c'était quelque chose de nouveau, est-ce qu'il a inventé une nouvelle secte comme certains le prétendent, est-ce qu'il appelait au takfir des musulmans comme certains le prétendent, est-ce qu'il faisait partie des mushabbiha comme certains le prétendent. Donc tout ça, ça a été clarifié. On a fait Kitab al-Tawhid, on a fait al-Usul al-Thalatha, on a fait al-Qawa'id al-Arba'a, on a fait al-Usul al-Sitta, on a fait Kashf al-Shubuhat, on a fait également Masail al-Jahiliya, on n'a pas fini encore. On a fait également quoi? On a fait Nawaqid al-Islam. On a fait quoi d'autre encore? Ça, on l'a dit aussi. En tout cas, on a fait aussi la Aqidah de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite, pour les gens du Qasim, pour réfuter hein, ceux qui parlaient contre lui, et pour clarifier sa Aqidah. Et que sa Aqidah, c'est la Aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc, on a fait tous ces livres-là. Donc, c'est ça. On a presque fait hein, les plus importantes parmi les rasa'il du Cheikh. Donc, ça, c'est, ça vient clarifier, en fait, hein, quelle est la da'wah du Cheikh, comme je disais tout à l'heure. Et clarifier les mensonges qui ont été dits contre le chef et contre sa darwa. Maintenant, il ne reste plus d'excuses pour quelqu'un qui est francophone hein, de dire par exemple « Ah non, je ne veux pas lire ces livres » ou « Non, on ne veut pas lire ces livres » ou « On ne veut pas » ou « On a peur que les gens parlent de nous accusent » ou des choses de ce genre. Alhamdulillah. Hein, ceux qui aujourd'hui, par exemple, quand ils mentionnent le terrorisme, ils mentionnent yani les musulmans qui suivent le manhaj des salafs et ils mentionnent l'Arabie Saoudite et ils mentionnent le wahhabisme comme ils l'appellent et ils essaient de faire croire qu'il y a un lien entre le wahhabisme et le terrorisme, nous on dit ça c'est totalement faux et vous avez les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui sont là et qui prouvent clairement qu'il n'y a aucune relation entre ces choses-là et que c'est des mensonges et des fausses accusations contre le Cheikh. Donc, maintenant que ça c'est expliqué et clarifié, la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce livre-là, c'est parce que, en fait, il y a un frère qui m'a donné un petit livre avec une série de rasa'il, hein, le frère Mohamed Anibarou, il m'a donné un petit livre avec plein de rasa'il. Et je crois qu'il avait lu la plupart des livres du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, sauf que je suis tombé sur celui-là, Fadlul Islam. Et j'ai commencé à le lire et c'était tellement intéressant parce que le Cheikh il mentionne des ayats, il mentionne des ahadith, il mentionne des athars, des salaf. Et bon, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème, inshallah. Il mentionne des athars et c'était tellement intéressant, donc j'ai dit je vais chercher pour trouver est-ce qu'il n'y a pas un des ulama qui a fait un charh de cette rissa-là. Et j'ai trouvé un petit commentaire par le Cheikh Ibn Baz. Hein, qui avait été fait par le Cheikh Ibn Baz, sauf que c'est juste quelques petits commentaires qui ont été faits, puis c'est surtout sur le début de la Risala, et pas sur la Risala au complet, ou sinon il y a des commentaires, mais c'est vraiment résumé. Tandis que, il y a une autre Risala, un autre charh de cette Risala, écrit par le Cheikh Saleh al-Sheikh, et son charh est un peu plus compliqué, et également il n'est pas sur la Risala en entier, juste sur les premiers chapitres. Donc ça c'était bénéfique aussi, mais étant donné qu'il était un petit peu compliqué et avancé, j'ai compris que ça ne pouvait pas servir vraiment pour comme base pour faire un cours bénéfique pour les frères et les sœurs en français, donc j'ai mis de côté, et qu'est-ce qui est arrivé plus tard, c'est que j'ai trouvé un charh l'été passé, l'hiver passé, quand j'étais en France, je suis rentré dans une librairie, j'ai trouvé chez un frère, il avait un livre, c'était marqué « Charh Risal Fadl al-Islam » dessus. Alors, j'ai vu que c'était marqué, le charh, c'était marqué « Cheikh Saleh al-Fawzan ». Donc j'ai cru que c'était le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, parce que j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé des audios dans lesquels le Cheikh al-Fawzan expliquait cette risale-là. Mais en audio. Et c'était pas le charh au complet, c'était 5 cours seulement. Il parlait pas de tout le livre au complet. Donc je me suis dit, c'est dommage que le charh audio n'est pas complet. Puis, en même temps, je suis sûr qu'il a été transcrit, qu'il a été publié. Mais on le trouvait pas ici au Canada dans les librairies. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé dans la librairie d'un frère, dans la bibliothèque d'un frère, il avait une copie d'un livre, c'était marqué Charh Fadl al-Islam, Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc, j'essayais de tout faire pour convaincre le frère de me le vendre. J'étais prêt à lui offrir n'importe quel prix pour l'avoir, mais malheureusement, il n'y avait rien à faire. Le frère ne voulait pas me le céder. Donc, après, je suis retourné une deuxième fois chez le frère. Là, j'ai bien examiné le livre comme il faut. Et j'ai remarqué que ce n'était pas le Charh du Cheikh al-Fawzan. c'était le charh d'une femme qui s'appelle Hanan al-Yamani, qui est une doctorat de l'université d'Umm al-Qura, une femme docteur en islam, qui a fait un charh de cette risale, et Hanan, non pas Hanan, Hanan al-Yamani. Et le cheikh al-Fawzan, il a fait une introduction, puis il a lu le livre, puis il a fait une préface au livre. Donc, quand on voit le livre, on a l'impression que c'est le cheikh al-Fawzan qui a fait le charh, parce que sur le côté, c'est marqué « Cheikh Saleh al-Fawzan ». Et quand on regarde sur la couverture, on voit que c'est la sœur qui a fait le charh, et puis cheikh al-Fawzan qui a fait la préface. Donc, j'étais moins, bon, quand même j'ai trouvé que c'était bien, mais j'étais moins intéressé à me procurer le livre que si c'était le cheikh al-Fawzan lui-même qui avait fait le charh. Là, il y a quelques temps, il y a peut-être 2-3 semaines de ça, il y a un frère, le frère chez qui j'avais trouvé le livre, il m'a contacté par MSN, il m'a dit « j'ai une surprise pour toi, donne-moi ton adresse et puis je te l'ai envoyé ». Il dit « ok frère ». Il m'a pas dit ce que c'était, et j'ai envoyé mon adresse, et là je reçois le colis et tout. Là je regarde, j'ouvre le livre, je vois « Sharh Fadl al-Islam ». Donc j'étais tellement content, j'ai dit « Masha'Allah, Alhamdulillah, bon, quand je vais terminer un cours, bon je vais commencer ce livre-là tout de suite ». Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer le livre avec vous, et puis ça c'est toute l'histoire qui entoure le livre, et pourquoi j'ai voulu commencer ce cours-là avec vous. Donc on va commencer, Inch'Allah, le Cheikh Al-Fawzan dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'in, babu fadl al-Islam ». Donc il commence en disant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et c'est en lui que nous cherchons notre aide et notre support ». Le chapitre « Babu fadl al-Islam », le mérite et l'excellence de l'islam. Le livre contient plusieurs chapitres. Le premier chapitre dans le livre, c'est Bab Fadl al-Islam, l'excellence de l'islam. Cheikh al-Fawzan, il explique ça. Il explique le titre de ce chapitre. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'in al-Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab al-Tawhid. وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر درج على ما درج عليه المحدثون في أنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم ويسوق بعضها الآيات والأحاديث فهو يأتي بالترجمة التي تتضمن ما تفيده النصوص التي يسوقها بعدها وهذه طريقة المحدثين كالإمام البخاري وغيره فهو لا يأتي بكلام من عنده وإنما يأتي بما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأقوال السلف الصالح لا كما يقوله أعداؤه أنه أتى بمذهب خامس يسمونه المذهب الوهابي تنفيرا عنه وعن دعوته كما كان عالم من علماء الهند كلما فرغ من دروسه أو من درسه رفع يديه وجعل يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ كتاب التوحيد ونزع غلافه الذي فيه اسم الشيخ وقدمه إليه يسأله من هو مؤلف هذا الكتاب فتأمله ذلك العالم وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدمه إليه هذا من مؤلفات الإمام البخاري فرد الرجل غلافه عليه وقال له هذا هو ابن عبد الوهاب الذي تدعو عليه فندم العالم وجعل يدعو للشيخ محمد بعد كل درس donc qu'est-ce qu'il dit le chef ici pour commencer il dit alhamdulillah louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles, et sur sa famille, et sur ses compagnons en entier. Et il dit ensuite que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans tous ses livres, comme Kitab al-Tawhid, Usul al-Iman, Fadl al-Islam, et le livre qui parle de Al-Kaba'ir, ils commencent toujours de la même manière que les savants de hadith. Et ça, c'est la méthode des savants de hadith. Les savants de hadith, ils ont une façon spécifique d'écrire leurs livres. C'est que les savants de hadith, contrairement à certains auteurs qui, quand ils écrivent sur un sujet, commencent à parler d'eux-mêmes et expliquer que tout ce qui leur vient à l'esprit par rapport à ce sujet, hein, et expliquer d'eux-mêmes et ensuite d'essayer de mentionner des preuves pour ce qu'ils disent, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il utilise la méthode des muhaddithin. Et la méthode des muhaddithin, c'est qu'eux, ils mettent un titre et en dessous, ils mettent seulement les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des sahaba et des tabi'in, des ulama. Ils ne mettent pas de paroles d'eux-mêmes. Ça, c'est la méthode des savants de hadith comme l'imam al-Bukhari et d'autres parmi les ulama de l'islam, parmi les ulama de hadith. Donc ça, c'est la méthode des gens qu'on appelle Ahlul Hadith. Donc, il met un titre à ce chapitre et puis tout de suite après, il le fait suivre de différents versets et de différents hadiths. Et il ramène des textes qui expliquent et qui correspondent au titre qu'il a mis, et il met les textes donc selon les différents titres qu'il a mis. Donc ça, c'est la voix des muhaddithines, comme il l'a dit. Il ne ramène pas des paroles de lui-même, mais il ramène uniquement les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs salih. Contrairement à ce que ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils prétendent au sujet du cheikh qu'il ramène un cinquième madhhab, ou une nouvelle école islamique, ou une nouvelle secte. Ça, c'est totalement faux. Et le cheikh, il dit, ils essaient de dire qu'il a une nouvelle école qui s'appelle Al-Wahhabiyya. Donc ça, c'est le nom qu'ils utilisent pour faire fuir les gens de sa da'wah. Et le cheikh, il raconte une anecdote. Le cheikh, il raconte une anecdote, justement, qui s'était produite à ce sujet-là. Il y a un savant de l'Inde qui, après chaque fois qu'il faisait un dars, ce savant de l'Inde, il faisait un dua et il invoquait Allah contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il faisait des duas contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab après chacun de ses cours. Et il y a un des personnes qui assistait à son dars, qui l'entendait faire ça et qui a voulu lui donner la nasiha. Alors il est parti le voir, ce savant de l'Inde, et il lui a donné le livre un des livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sauf qu'il a enlevé la page couverture du livre. Et il lui a donné. Donc, ce savant de l'Inde, il a pris le livre et la personne lui a demandé de lire le livre pour voir qu'est-ce qu'il en pensait et est-ce que c'était un bon livre. Le lendemain, le savant de l'Inde est revenu voir la personne qui lui avait donné et il a dit, ça c'est un livre de l'imam al-Bukhari. Et la personne qui a donné la nasiha, qui est venue avec le livre, il a dit non, ça c'est pas le livre de l'imam al-Bukhari, c'est le livre de celui contre lequel tu fais des doigts après chacun de tes dars, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors à partir de ce jour-là, il a senti des remords pour qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qu'est-ce qu'il a fait, il a commencé à faire des invocations en faveur du cheikh Mohammed ibn Wahhab après chacun de ses cours par la suite, pour réparer le mal qu'il avait fait. Donc ça, c'est pour expliquer que il y a des gens, parfois ils se basent sur des rumeurs, sur des fausses notions qu'ils peuvent avoir, des mauvaises rumeurs que des gens ont données sur quelqu'un pour le juger. Ils ne se basent pas sur la réalité de ce qu'ils connaissent de cette personne-là. Ils ne se basent pas sur des preuves ou sur des choses qu'il a vraiment été certaine. Ils se basent sur des choses qu'il a entendues, qu'est-ce que les gens lui ont dit. Et il y a beaucoup des gens qui sont justement des ennemis de la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et quand il critique le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il se base uniquement sur des livres qui ont été écrits par ses ennemis qui mentent à son sujet. Et donc, ils ont alimenté leur haine contre le cheikh en se basant sur des livres qui ont été écrits par des ennemis qui ont été injustes et malhonnêtes dans leurs écrits. Alors, nous, on doit dire à ces individus-là, si vous voulez réellement savoir la réalité de la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, alors retournez à ses écrits et retournez à ses livres et vous allez voir qu'il n'a pas invité les hommes à autre chose qu'au Coran et à la Sunna. Et il s'est accroché à la voie des salaf al-salih dans sa aqidah et dans son manhaj. Ensuite, le Cheikh dit « Wa huwa fi hadha al-kitab bayyana awwalan usul al-iman thumma فضل الإسلام وذلك لأن الدين يتكون من مراتب من ثلاث مراتب المرتبة الأولى الإسلام المرتبة الثانية الإيمان المرتبة الثالثة الإحسان كما جاء في حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال وما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر الحديث. Donc le Cheikh dit que dans ce hadith il explique premièrement les fondements de la foi, puis l'excellence de l'islam et le mérite de l'islam. Pourquoi? Parce que comme on le sait, l'islam il est basé sur trois degrés, comme on l'a expliqué dans le hadith de Jibril et dans plusieurs autres cours. Il est basé sur trois degrés. Le premier degré c'est l'islam, la soumission, l'application, la pratique physique de l'islam. Et le deuxième degré c'est al-iman, c'est les six piliers de la foi. Puis le troisième degré c'est al-ihsan, l'excellence, le perfectionnement de la foi. Et comme c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira, c'est un autre hadith qui est très proche du hadith de Jibril, c'est un autre hadith. Parce que le hadith de Jibril, il est rapporté selon Omar ibn Khattab. Celui-là, il est rapporté par Abi Huraira. Donc, c'est un autre hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devant les gens un jour et Jibril est venu. Donc, c'est le même hadith de Jibril, mais rapporté par Abi Huraira. C'est une autre narration de ce hadith. Il a dit, quelle est la foi? Donc, on voit que c'est plus résumé. Quelle est la foi? Il a dit, la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en sa rencontre, en ses messagers et de croire en la résurrection. Il a dit, et qu'est-ce que l'islam? Il a dit, l'islam, c'est que tu adores Allah et que tu n'associes rien avec lui. Et que tu établis ta salat et que tu donnes la zakat qui est obligatoire. Et que tu fasses le jeûne du ramadan. Et il a dit, et qu'est-ce que c'est al-ihsan? Il a dit, al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'es pas capable de l'adorer comme si tu le voyais, alors lui, il te voit. Alors, jusqu'à la fin de ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le Cheikh il dit فهذه مراتب الدين المرتبة الأولى الإسلام ثم فوقها الإيمان ثم فوقها الإحسان فهو رحمه الله أراد أن يبين للناس أراد أن يبين الإسلام والإيمان في هذا الكتاب أصول الإيمان وباب الأول من أبواب هذا الكتاب هو باب فضل الإسلام ثم أتبعه بأبواب أخرى مثل باب وجوب الإسلام باب تفسير الإسلام وما يخرج من الإسلام إلى آخره. Donc le Cheikh explique, il dit que ici il a voulu expliquer le premier degré de l'islam, c'est-à-dire le premier degré de la religion, c'est l'islam, et puis ensuite au-dessus, il y a al-iman, et puis ensuite au-dessus de ça, il y a al-ihsan. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a voulu expliquer les degrés de l'islam et de al-iman dans ce livre, Usul al-iman. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que, bon, il y a un autre livre du Cheikh qui s'appelle Usul al-iman. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a un livre qui s'appelle Usul al-iman. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte il rapporte les hadiths qui expliquent les fondements de la foi. Et dans ce livre-là, le premier chapitre dedans, c'est ce chapitre-là. Hein, puis ensuite, les autres chapitres. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que ce livre ici est extrait du livre de Usul al-Iman. C'est un extrait qui a été pris du livre Usul al-Iman. Donc, le premier chapitre, comme on dit, c'est Fadl al-Islam. Puis ensuite, il y a un autre chapitre qui le suit. Ensuite, il y a le chapitre l'obligation de l'islam, d'être musulman et de se soumettre. Ensuite, il y a l'explication de l'islam, qu'est-ce que ça signifie, et qu'est-ce qui fait sortir de l'islam, et ainsi de suite. Donc, on voit que c'est des sujets vraiment de base. Et je pense que pour quelqu'un qui est converti à l'islam, ou quelqu'un qui commence à apprendre sa religion à nouveau, parmi les musulmans qui commencent à pratiquer ou qui commencent à apprendre leur religion, ce livre-là, il est vraiment simple et clair et vraiment bénéfique. Ensuite, le cheikh, il mentionne le premier verset dans ce chapitre. قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh, le premier verset qu'il mentionne, c'est ce verset, c'est le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion, j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé pour vous mon bienfait, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété ou accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, le cheikh Al-Fawzan explique ce verset-là maintenant. Ça, c'est un très grand verset, hein. C'est très important ce verset-là de le connaître et de le comprendre comme il faut. Et vous allez voir, le cheikh il dit « لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم الآية وهي من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم أو هي آخر ما نزل لأنه عاش بعدها مدة يسيرة بعد أن رجع إلى المدينة بعد الحج فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أكمل الله به الدين وفي هذا رد على المبتدعة الذين يحدثون أشياء ينسبونها إلى الدين وهي ليست منه فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين فهي مردودة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le cheikh explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était debout à Arafah, durant le hajj. Le hajj d'Adieu, c'est-à-dire le dernier hajj qu'il a accompli. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion. J'ai complété pour vous ma religion. On peut dire aussi, j'ai parfait pour vous votre religion. Donc ça, c'est le dernier verset qui est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui fait partie des derniers versets de ce qui ont été révélés. Soit c'est le dernier, ou soit c'est un des derniers versets qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que il n'a pas vécu longtemps après ce verset-là. Hein, il a accompli le hajj avec les sahaba, puis quelques temps par la suite, il est retourné à Médine, et puis il est retourné à son créateur, sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps après. Donc, c'est-à-dire que c'était dans les derniers versets, et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort jusqu'à ce que Allah ait complété toute sa religion au complet par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, l'islam était complété, était déjà parfait. Hein, l'islam est parfait, il manquait pas quelque chose. Elle avait été complétée. Ok? Et donc, dans ça, il y a une réfutation pour tous les innovateurs. Toute personne qui essaie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des innovations, par des bid'ah. Le pluriel du mot bid'ah, c'est bid'ah. Bid'ah. Hein? On enlève le ta marbouta à la fin, on met le fatha sur le dal. Bid'ahun. Donc si c'est une bid'a, on dit bid'atun. Si c'est plusieurs, on dit bid'a'un. Al-bid'a. Donc ça c'est la différence entre les deux. Et donc, le cheikh il dit qu'il y a dans ce verset une réfutation de tous les mubtadi'a qui amènent des choses nouvelles dans la religion et qu'il essaie de l'attribuer à l'islam, alors que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam. Donc n'importe quel individu qui amène quelque chose dans cette religion, cette chose-là sera rejetée. Comme c'est expliqué dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que celui qui invente dans notre religion quelque chose, alors quelque chose qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Ce hadith-là, il répète toutes les innovations, toutes les choses que les gens inventent dans l'islam. Et il y a des, justement, hier, je suis allé faire une khutba dans une mosquée, et j'ai parlé justement des différentes bid'ah qui ont été inventées par des groupes et des sectes, et j'ai parlé justement des égarements que ces gens-là pratiquent au nom de l'islam, et j'expliquais que ces choses-là, ça ne fait pas partie de l'islam, et qu'on ne peut pas s'unir avec des gens qui se disent musulmans et qui pratiquent ces choses-là qui sont contraires à l'islam. Et j'ai mentionné différentes sectes. Et ben, après avoir terminé la khutbah, je suis sorti dehors, et il y a un des frères qui était là, ou une personne qui avait assisté à la khutbah, et il était vraiment en colère, il est vraiment énervé. Il a dit, ah, mais toi, t'as laissé personne, t'as critiqué toutes les écoles, hein. Il dit, ça c'est pas correct, il faut respecter les musulmans, il faut respecter les différents groupes. Et je lui ai expliqué que j'ai pas, comme si lui me dit, tu blesses les personnes, tu blesses des personnes, tu critiques des personnes. J'ai pas critiqué personne en particulier, un individu, j'ai critiqué les innovations et les bid'ah qui sont pratiquées par des gens ou des sectes. Il a dit, mais ça c'est des écoles musulmanes, il faut les respecter. Et quand tu les critiques, tu blesses des musulmans, tu blesses des individus. Et là, je vais expliquer que ces groupes-là sont des innovations et qu'on ne peut pas les respecter ou les accepter. Et je lui ai mentionné quelques hadiths et je lui ai donné l'exemple que toutes les innovations sont rejetées. Là, il me disait, oui, mais il me commence à m'énumérer des différences, comme il me dit les Mu'tazila, les Soufis, comme les Tijaniyya et tout, ça c'est des différentes écoles musulmanes, il faut les respecter. Je lui dis, est-ce que les Sahaba étaient Tijaniyya? Est-ce que les Sahaba étaient Mu'tazila? Là, il m'a dit, non, mais c'est venu après. J'ai dit, donc c'est des innovations. Et puis on s'est arrêté là, Mais pour dire que la personne était vraiment choquée et fâchée. Et c'est bizarre parce que c'est exactement ce que j'avais mentionné dans la khutbah. Et donc, si quelqu'un veut savoir les détails là-dessus, bon, il peut retourner à la khutbah que j'ai fait hier. C'est la nécessité d'expliquer le manhaj ou la aqidah des salafs. C'était ça le sujet, le titre de la khutbah. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que les innovations sont rejetées. Et l'imam Malik, il a même mentionné ça dans une affar, dans une parole qui est attribuée à l'imam Malik, qui est très claire, très connue, qui dit que toute personne qui invente des choses à l'islam, c'est comme s'il a accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est comme s'il a accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir, de ne pas avoir bien transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le cheikh, « وفيه رد على الذين ينتقصون الإسلام ويقولون إنه لا يصلح لكل زمان ومكان مثل ما ينادي به الآن الذين يقولون إن الإسلام لأجيال مضت ولفترة مضت فلا يصلح لآخر الزمان مع أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أنه صالح لكل زمان ومكان وإذا اقتصرت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام فالعيب ليس في الإسلام وإنما العيب في فهمهم له وإلا فالدين كامل شامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. الشيخ الذكر il y a aussi dans ce hadith, dans ce verset, pardon, une réponse à toute personne qui essaie diminuer l'importance de l'islam en disant que l'islam n'est pas valable pour toutes les époques et pour tous les lieux. Parce que il y a des gens qui appellent à ces idées-là. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent musulmans et qui appellent à la laïcité. Hein, et qui appellent à la laïcité et qui prétendent que cette religion, elle était juste bonne pour l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien pour les époques passées et que c'est plus applicable aujourd'hui à notre époque, hein, soi-disant. Et ça, bien entendu, c'est kufr, yani, de dire une chose pareille. C'est kufr de penser quelque chose de ce genre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette religion-là, elle est valable jusqu'à la fin des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc elle est valable pour toutes les époques. Hein, et tous les lieux et toutes les époques. Il dit aussi le cheikh que si certains individus ne sont pas capables de comprendre ça, d'arriver à comprendre que l'islam, elle est applicable et valable jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, et qu'elle est toujours applicable et valable et bonne, hein, alors ça c'est à cause de leur faiblesse de compréhension à eux, et c'est pas une erreur ou un problème qui est dans l'islam lui-même. Donc, souvent c'est ça le problème, et la plupart du temps c'est dû à l'ignorance de ces gens-là. Donc ceux parmi les musulmans qui vivent dans les pays musulmans, qui vivent en Occident, qui ont eu une éducation occidentalisée et qui, par exemple, n'ont pas étudié le Coran et la Sunna et la Sharia. Donc, à cause de leur ignorance de l'islam, à cause de leur ignorance de la Sharia, ils s'imaginent que l'islam n'est pas complète et que l'islam ne peut pas répondre à tous les défis et à toutes les questions nouvelles qui sont apparues au XXe siècle. Et ils s'imaginent que donc l'islam c'était juste valable et applicable dans le passé, et que maintenant c'est différent. Ça c'est dû à leur ignorance et à leur manque de connaissance et de compréhension des principes et des fondements de l'islam. S'ils avaient étudié la charia, s'ils avaient pris le temps d'étudier l'islam, non. Mais si par exemple, il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Non. Donc c'est dû à leur ignorance à eux. Ils pensent qu'il y a un défaut dans l'islam, mais le défaut n'est pas dans l'islam, le défaut est dans leur ignorance. Le défaut est dans leur manque de connaissance et leur manque de compréhension de l'islam. Hein, c'est comme par exemple celui qui rejette un hadith, il pense que ce hadith-là, il n'est pas en accord avec la logique. Il pense que ce hadith contredit la logique. Mais le hadith, il est authentique et il ne contredit pas la raison, il ne contredit pas la logique. Mais à cause de ton manque de logique, à cause de ton manque de connaissance, à cause de ton ignorance, toi tu penses qu'il y a une contradiction. Mais il n'y en a pas réellement, parce que tu es ignorant, parce que ta compréhension est limitée. Ta connaissance du Coran, ta connaissance de la Sunna n'est pas assez grande pour comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. Donc, dans des cas comme ça, retourne aux ulama de l'islam, demande aux savants de l'islam pour essayer de t'expliquer les choses que tu n'as pas compris, au lieu d'imputer une imperfection ou quelque chose de négatif à l'islam. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a complété sa religion complètement et qu'il est capable de répondre à tous les bienfaits des hommes jusqu'à l'heure de la résurrection. Il dit « Wa atmamtu alaykum ni'mati bihadha ad-din. Fa hadha ad-din huwa a'zamu ni'matin an'amaha aw an'ama Allah biha 'ala al-bashariyyah. Walakin min qibali hadhihi an-ni'ma istafada minha. Wa man lam yaqbal man qabila hadhihi an-ni'ma istafada minha. Wa man lam yaqbalha فاسمه وضرره عليه لانه هو الذي رفض هذه النعمه. Le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset qu'il a complété sur nous sa grâce, sa faveur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il a complété pour nous sa grâce, ça veut dire qu'il a complété pour nous sa grâce par cette religion, hein, qui est une grande religion et qui est une grâce de la part d'Allah, qui fait partie des grâces que Allah a données à l'humanité. Mais bien entendu, c'est une grâce pour celui d'entre les hommes qui l'a accepté. Hein, ça va être une grâce pour lui parce qu'il en profite. Mais celui qui ne l'accepte pas, alors son péché revient contre lui-même et il ne fait que du tort à lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il a refusé cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu l'accepter. Ensuite il dit, « ثم قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام هو الدين الذي قال الله فيه أول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم فالله سبحانه أكمله ورضيه لنفسه ورضيه لعباده ولا يرضى دينا سواه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فسر الأديان بعد مجيء دين محمد صلى الله عليه وسلم كالنصرانية واليهودية وعليكم السلام ورحمة الله فسائر الأديان بعد مجيء دين محمد صلى الله عليه وسلم كالنصرانية واليهودية كلها باطلة لا يرضاها الله لا يرضاها الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ففي هاتين الآيتين رد على الذين يقولون من أهل زماننا إن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كلها حق وكلها توصل إلى الله فهذا كذب وافتراء فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدين إلا الإسلام وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيء الإسلام نسخت اليهودية والنصرانية فسائر الأديان إما محرف ومبدل وإما منسوخ ومنتهى أجله فلم يبقى دين يرتضاه أو يرضاه الله إلا الإسلام فمن أراد دخول الجنة فليستمسك بهذا الإسلام ومن أراد دينا غيره فليس له إلا النار لأنه رفض دين الله الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده فاليهودية غير المحرفة التي هي دين موسى عليه السلام كانت في وقتها دينا صحيحا مقبولا وكذلك النصرانية غير المحرفة لكن بعد مجيء الإسلام نسخت ولم يبقى إلا الإسلام donc le cheikh explique que il a agréé pour nous l'islam comme religion. Et cette religion donc, que yani le cheikh il dit que l'islam c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée au début de ce verset. Al-yawm akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion, votre religion. Il l'a complété et il l'a agréé pour lui-même, il l'a agréé pour ses serviteurs et il n'acceptera pas aucune autre religion que l'islam. Il n'acceptera pas aucune autre religion que l'islam. Il y a des musulmans aujourd'hui, quand on leur dit ça, ils se fâchent. Il y en a déjà qui se disent musulmans aujourd'hui, quand tu leur mentionnes ça, ils se fâchent. Tu leur dis que Allah ne va pas accepter une autre religion que l'islam. Ils disent, ah mais non, il ne faut pas dire ça, il y a des gens qui ne connaissent pas l'islam, il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont juifs, comment tu peux dire ça? C'est pas nous qui disons ça, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran. Hein? Et il faut comprendre, ou faire comprendre à ces musulmans-là, que l'islam, c'est pas seulement la religion qui a été ramenée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est l'islam, c'est la religion qui a été ramenée par tous les messagers d'Allah. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les messagers d'Allah sont venus avec l'islam. Donc Allah ne va pas accepter aucune autre religion que l'islam. D'accord? Et comme le cheikh il explique, vous allez voir, il dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Allah il dit dans le verset 19 dans sourate Al-Imran que la religion que Allah a choisie, c'est l'islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. Il n'y en a pas d'autre. Donc toute autre religion après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est fausse. Comme le christianisme, le judaïsme, ce sont des fausses religions. Allah ne les acceptera pas et ne les agrée pas. Et il mentionne par exemple le verset 85 dans Surat Al-Imran, qui est un des versets les plus clairs à ce sujet-là. Personne ne peut débattre ou argumenter avec ce verset. Il est clair. Il dit, et quiconque cherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Hein? Donc, il n'y a pas un verset plus clair que ce verset-là à ce sujet. Il n'y a pas une autre religion qui va être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit donc, dans les deux versets qu'on a mentionnés, « Inna dina inda Allahi l'islam » verset 19, et « Inna wama yabtaghi ghayra l'islami dinan falan yuqbala minhu » ça c'est le verset 85 dans Ali Imran. Donc ces deux versets-là réfutent tous ceux qui, aujourd'hui, prétendent qu'il y a trois religions qui sont vraies aujourd'hui. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et que ces trois religions-là peuvent amener les hommes à Allah. Le cheikh dit ça, c'est un mensonge. C'est une forgerie et un mensonge. C'est quelque chose qui est totalement faux. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas une religion qui est vraie après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après la venue de cet islam, il n'y en a pas d'autre religion qui est correcte et qui est vraie. Après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toutes les autres religions qui étaient présentes auparavant sont abrogées. Et les autres religions qui existaient auparavant, il y a deux possibilités à leur sujet. C'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, il y a deux possibilités à leur sujet. Soit qu'elle a été falsifiée et déformée, c'est-à-dire c'est plus la religion des prophètes telle qu'elle est venue, telle qu'ils sont venus avec, c'est-à-dire le judaïsme, c'est-à-dire l'enseignement que Moïse a donné à son peuple, avec la Torah et les règles qu'il a enseignées à son peuple, elles ne sont plus les mêmes qu'à l'époque où il leur avait mentionné ou donné ces preuves-là et cette révélation-là, parce qu'elle a été changée avec le temps, elle a été falsifiée avec le temps, donc elle a été modifiée, elle n'est plus authentique et exacte comme elle l'était. Donc elle a été changée, falsifiée. La même chose avec la religion de Isa alayhi salam, elle n'est plus telle qu'elle était lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé ce message à Isa alayhi salam, et les gens après Isa ont changé la réalité de sa da'wah, ils ont fait de Isa alayhi salam une divinité et ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose que pour sa mère, Maryam. Donc ça, c'est des exemples de falsification, de déformation du message originel de ces deux prophètes. Donc, soit elle a été modifiée, ou soit elle a été abrogée. Abrogée, et que son terme est fini. Donc, ça veut dire que si cette religion, soit qu'elle a été falsifiée, soit que le message de ces messagers-là ont été falsifiés et changés par les hommes, ou soit qu'ils ont été abrogés par le Coran. Donc ça veut dire que l'islam est venu abroger qu'est-ce qui était auparavant. Et donc même si c'est pas changé, même si c'est pas falsifié, c'est abrogé quand même. C'est-à-dire que quelqu'un peut pas prétendre aujourd'hui qu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, l'exemple, la charia d'un prophète précédent. Que ce ne sera pas accepté, puisque ça a été soit falsifié ou soit abrogé. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc il ne reste plus de religion excepté l'islam. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Ça veut dire que même si la Torah, elle existait authentique, vraie, 100%, aucune falsification, aucun changement dedans, on n'aurait pas le droit de la suivre. On n'aurait pas le droit de la suivre et de prendre ce livre-là comme une référence. Puisque notre référence, c'est le Coran qui vient compléter la révélation et abroger qu'est-ce qui est venu auparavant. Comme Allah dit dans un verset dans Al-Ma'ida, wa muhayminan alayhi. Wa muhayminan alayhi, c'est-à-dire pour avoir le dessus sur qu'est-ce qui a été révélé auparavant. Donc le cheikh il dit donc toute personne, toute religion auparavant elle a été abrogée ou changée, il ne reste que l'islam comme religion qui a été agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et donc quiconque veut rentrer au paradis, alors qu'il s'accroche à cet islam, et celui qui veut une religion autre, alors il n'aura rien d'autre que le feu de l'enfer, parce que il a refusé la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour ses serviteurs. Donc, le cheikh il dit ensuite que le judaïsme, qui n'a pas été falsifié, c'est-à-dire la religion de Moussa, alayhi salam, qui est le vrai, qui était l'islam, en fait, à cette époque-là, le judaïsme, avant qu'il soit falsifié, hein, alors dans ce cas-là, c'était à cette époque-là, une religion qui était vraie, et qui était acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cette époque-là, c'est-à-dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant la falsification de la révélation de ces gens-là. Elle était vraie et correcte, et c'était l'islam à cette époque-là pour ces gens-là. Et il dit la même chose également pour l'islam, pour le christianisme, hein, Nasraniya, avant qu'elle soit falsifiée. Et avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui pratiquaient le vrai message de Isa alayhi salam, eux ils étaient sur la vraie religion, et cette religion était valable à cette époque-là, hein, et ils étaient musulmans eux aussi. Mais ceux qui viennent après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou après la falsification de cette religion-là et l'introduction dans cette religion, dans ces religions-là de choses qui sont contraires à la réalité de leur message originel, alors là, ce ne sera pas accepté pour eux. Et le cheikh dit, après la venue de l'islam, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation du Coran, il ne reste que l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, quand vous voyez des gens, par exemple, qui vous disent que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le christianisme, le judaïsme, hein, et on a même parmi ces gens-là, Allah musta'an, ils vont même qualifier de fanatiques ceux parmi les musulmans qui disent que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Ah, ça c'est des fanatiques, hein, c'est des extrémistes, et ils disent que ils pensent que c'est seulement leur religion qui est vraie. Vous imaginez, les gens quand ils parlent de l'islam et des musulmans, ils pointent du doigt ceux qui disent ce que Allah a dit dans le Coran et ce que le prophète a dit dans la Sunna, et ils disent cela, ils pensent que c'est seulement les musulmans qui sont sur la vérité, comme si c'était quelque chose de mal, comme si c'était quelque chose de contraire au Coran et à la Sunna, alors que Allah il le dit clairement, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens de bid'a en général, et les gens qui contredisent la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna? Ils se basent sur des versets qui peuvent porter à plusieurs interprétations, qui sont pas explicites et claires sur un sujet, et ils les utilisent comme si c'était des bases sur lesquelles ils se reposent pour argumenter dans leur shubuhat. Et les versets qui sont explicites et clairs sur le sujet, ils ne les mentionnent pas, et ils les laissent de côté. Alors pourquoi ils agissent comme ça? C'est parce qu'ils veulent toujours essayer de manipuler les gens et de les tromper. Comme le verset 85 dans Surat Al-Imran, pourquoi ils ne citent jamais ce verset-là? Le verset qui dit aujourd'hui, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque cherche autre que l'islam comme religion, ne sera pas accepté, ne sera pas accepté de lui, et il sera du nom des perdants dans l'au-delà. » Pourquoi ils ne cherchent pas ce, ils ne mentionnent pas ce verset-là? Pourquoi ils mentionnent d'autres versets qui peuvent être interprétés de différentes façons et qui ont été expliqués par les ulamas comme étant justement le contraire de ce qu'ils veulent essayer de faire dire à ces versets-là, hein, comme des versets qui mentionnent par exemple que parmi les gens du livre, il y en a des croyants. Donc ils se basent sur ces versets-là pour essayer de faire croire aux gens que ne sont pas tous des kuffars. Donc, est-ce que tu vas te baser sur ce verset-là et laisser les autres? Non. Tu dois, en fait, essayer de comprendre ces versets-là par qu'est-ce que Allah a expliqué dans les autres versets qui sont explicites et clairs, et en même temps retourner à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux paroles des sahaba pour comprendre ces versets-là clairement. Et ça, ça a été expliqué et clarifié. Et c'est qu'en fait, on parle soit des chrétiens qui étaient avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou des juifs qui étaient avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient cru en leur révélation avant qu'elle soit falsifiée, avant qu'elle soit changée, et qui ont cru à l'islam correctement, c'est-à-dire le réel message, ou bien on parle des gens qui se sont convertis à l'islam après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc il y a des explications, des ulama qui ont été données à ce sujet-là. Donc les shubuhat de ces gens-là sont vraiment faibles, et ça c'est l'attitude des gens qui cherchent les shubuhat, comme dans le verset 7 dans surat Al-Imran. Regardez dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique qu'il y a des versets qui sont muhkamat et des versets qui sont mutashabihat. Les versets qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont explicites et clairs, qui sont les bases du livre. Et il y en a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qu'ils peuvent prêter à diverses interprétations et diverses compréhensions. Ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils se basent sur les versets qui prêtent à plusieurs interprétations pour chercher à déformer leur sens, pour chercher à faire la fitna, faire le problème avec, hein, mélanger les gens dans leurs croyances. Donc ça, c'est l'attitude de ces gens-là. Donc si vous voyez des gens qui jouent avec la religion comme ça, vous savez que c'est de ces gens-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, et il nous a avertis contre eux. Donc le cheikh, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a refusé donc toute autre religion que l'islam. Le cheikh dit, ولكن بعد ما جاء الاسلام نسخت ولم يبقى الا الاسلام. Il dit, والواجب اتباع ما امر الله به في كل زمان وفي كل مكان. L'obligation pour les hommes, c'est de suivre ce que Allah a ordonné de suivre à toute époque et en tout lieu. وقد امر الله باتباع الاسلام. Et Allah a ordonné de suivre l'islam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الشيخ المصين donc le verset 21 31 à 32 dans sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, ô Muhammad, à ses hommes, à ses gens, obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils se détournent, alors sache que Allah n'aime pas les mécréants. Donc, tout ça c'est pour expliquer que celui qui prétend aimer Allah et qui ne suit pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contredit lui-même. Puisque si tu aimes réellement Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu vas suivre son messager. Et tu vas suivre son prophète. Et tu vas obéir à son messager. Et donc, ensuite, le cheikh, il mentionne, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne un autre verset. Le deuxième verset qu'il mentionne, c'est le suivant. Wa qawluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi shakkin min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Donc, le cheikh, il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 104, dans Sourate Yunus, dit, ô vous les hommes, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, c'est-à-dire, dit, ô Muhammad, aux hommes, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, c'est-à-dire, il s'adresse à toute l'humanité, ya ayyuhan nas, ô vous les êtres humains, ô vous les hommes en général, sans exception. Si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, au sujet de l'islam, alors sachez que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah, celui qui va vous faire mourir. Hein? Donc, ça c'est le verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le deuxième verset qu'il a mentionné. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset. Il dit, الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم خطاب للمؤمنين والآية الثانية قل يا أيها الناس خطاب للمشركين قل أيها الرسول يا أيها الناس جميع البشرية إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله فهذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة الله وترك عبادة ما سواه. Le Cheikh il dit, dans le premier verset, aujourd'hui j'ai complété votre religion pour vous, ça c'est un verset qui s'adresse aux croyants. Et le deuxième verset qu'il mentionne, ô vous les hommes, dit ô Muhammad, ô vous les hommes, ça s'adresse aux mushrikins. Ça s'adresse aux mushrikins. Dit ô Muhammad, ô vous les hommes, c'est-à-dire toute l'humanité, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, alors sachez que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah, peu importe ce que vous adorez, que ce soit un être humain, un prophète, un ange, un djinn, un arbre, le soleil, la lune, peu importe, hein, je n'adore pas ça. Mais j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, فَهَذَا هُوَ دِينُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ عِبَادَةُ اللَّهِ وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهِ. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner l'adoration de ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ عِنْدَ نِهَايَةِ أَجَالِكُمْ وَيُنْقِلُكُمْ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إِلَى دَارِ الْجَزَاءِ فَاللَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّهُ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ. أما هذه الأصنام فليس لها من الأمر شيء لا تحيي ولا تميت ولا تجازي أحدا لأنها مخلوقات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فكيف تملك لغيرها. هذا من العجائب واستخفاف العقول. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا مخاطبة للعقول. لشيخ الزي إي donc je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah, hein? Et ça c'est la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion du messager d'adorer Allah seul et d'abandonner ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est lui qui va vous faire mourir lorsque votre vie va arriver à terme. Et qui va vous faire partir de ce monde vers le monde de la rétribution, c'est-à-dire la vie après, qu'est-ce qui est après la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite l'adoration, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et c'est vers lui qu'on retourne, et c'est vers lui notre destination. Tandis que ces idoles que les mouchriquins adorent, elles n'ont aucune décision dans ces choses-là. Et elles ne contrôlent rien du tout. Hein? Elles ne peuvent ni faire vivre, ni faire mourir, et elles ne peuvent récompenser personne, hein? Ou faire quoi que ce soit d'elles-mêmes. Hein? Parce qu'elles sont elles-mêmes créées. Elles ne possèdent même pas la capacité pour elles-mêmes de faire un tort ou un bien. Alors comment pourrait-elle posséder la capacité de le faire pour autre qu'elle-même, hein? Donc ça c'est la réfutation du shirk, et c'est la réfutation des mushrikines et des idoles, hein, et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hada min al-ajaib, ça fait partie des choses étonnantes que les êtres humains font parmi les exemples, hein, de choses totalement absurdes et ridicules. D'adorer des idoles, d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer autre que le Créateur. comment quelqu'un peut agréer, comment quelqu'un peut accepter une religion qui te permet d'adorer autre que le Créateur. Ça déjà en soi c'est absurde, et c'est totalement irraisonnable et illogique. Et toute religion qui appelle à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a comme principe l'adoration des idoles, ou l'adoration d'un être humain, ou l'adoration d'un ange, ou l'adoration d'un prophète, l'adoration des saints, ou l'adoration des croix, l'adoration des statues, l'adoration des images, l'adoration du soleil, de la lune, des arbres, des pierres, hein, ou peu importe quelle autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est basée sur l'absurdité, hein, elle est basée sur quelque chose de totalement déraisonnable, hein, qui est complètement ridicule et futile et rejeté par la raison. Malheureusement, les gens sont souvent aveuglés par leur passion, et c'est pour ça qu'ils continuent à pratiquer ces religions-là. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont étonnés parfois de voir des gens pratiquer ce genre de choses, ce genre de croyances ou de religions. Comment, c'est vrai, comment un être humain intelligent, parfois même c'est des gens qui sont très éduqués dans la dunya, des gens qui ont des doctorats, et qui sont médecins, ingénieurs ou autres, et que tu les vois se prosterner devant des images, des idoles et des statues et des choses de ce genre, et des tombes qu'ils adorent et des saints, des choses de ce genre, ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, et tu leur demandes, mais comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez pratiquer ce genre de choses, hein? Et yani, tu vois que ils essaient de trouver des arguments, mais peu importe, yani, ces arguments-là sont futiles, sont comme la maison de l'araignée, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, comme la maison de l'araignée, c'est des toiles d'araignée, c'est la plus faible des maisons, comme Allah il dit, et bien c'est ça le shirk, hein, qu'il pratique, c'est faible, ça ne se tient pas sur quelque chose de solide, hein. Donc, quand on les appelle au tawhid, hein, on voit qu'ils n'ont pas d'arguments. Et le chef, il mentionne des versets justement pour réfuter ces gens-là. Verset 194 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont des créatures comme vous, sont eux-mêmes comme des serviteurs comme vous. Hein? Vous êtes en train d'adorer des choses qui n'ont rien de plus que vous-même. Ils n'ont pas plus de contrôle de quoi que ce soit dans l'univers que vous-même. Et parfois, ils ont moins de contrôle que vous-même. Et vous les adorez quand même en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est passée votre raison? Où est passée votre logique quand vous agissez de cette manière? Et il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, et s'ils les invoquent, hein, si, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-les. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en train de leur dire, invoquez-les, en voulant dire, c'est quelque chose, faites-le, c'est bien de le faire. Non. Il est en train de les mettre au défi, hein. Il est en train de leur dire « Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin » c'est-à-dire « Invoquez-les pour voir si elles vont vous répondre si vous êtes véridiques. » Invoquez-les ces idoles, invoquez-les ces statues, invoquez-les ces croix, ces images que vous adorez en dehors d'Allah. Elles ne peuvent pas vous répondre. Elles ne peuvent pas vous répondre. Hein? Donc comment ça se fait que vous les adorez alors que vous savez qu'elles n'ont aucun pouvoir, elles ne peuvent même pas vous répondre. Hein? N'importe quel individu, hein, tu prends la bouteille d'eau là, ou le stylo, n'importe quoi. Si vous étiez là et que vous voyez quelqu'un qui s'adresse à son stylo, qui s'adresse à sa bouteille d'eau, qui parle à sa voiture, vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est un fou. Hein? Quelqu'un qui parle à ses chaussures, hein? Qui parle à ses vêtements, ou à sa montre. Hein, ou à son iPod, n'importe quoi, il commence à lui parler, vous allez dire quoi? Oui, mais ça c'est ridicule. Mais comment ça se fait quand vous adorez votre statue, votre idole, vous pensez qu'il y a une différence? C'est de la matière inerte, de la même manière que vous avez une bouteille d'eau, une voiture, c'est juste que ce stylo-là, il n'a pas la forme d'un être humain ou d'un animal. Mais si on le fait fondre, puis on le met dans un moule, en forme d'animal ou en forme de croix, là tout d'un coup il va s'approprier de différents attributs, il devient divin ou quelque chose comme ça, tout d'un coup, parce qu'on change sa forme. c'est la même matière, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc celui qui se prosterne ou qui adore des idoles, des images, des statues, des choses de ce genre, il est aussi ridicule que celui qui adore et qui s'adresse à sa voiture ou à ses autre chose parmi les choses inertes qui existent autour de lui. Et même si c'est un être humain, hein, il s'adresse à un être humain qu'il adore en dehors d'Allah, c'est la même chose. Puisque si tu t'adresses à quelqu'un qui est mort et qui est enterré dans sa tombe depuis plus que 1000 ans, hein, ou peu importe le nombre d'années, du moment qu'il est mort, il ne peut rien faire pour toi. Hein. Il ne peut rien faire pour toi. Hein. Il ne peut rien faire pour lui-même. Alors comment il pourrait faire quelque chose pour toi, hein? Et donc c'est toujours la même chose. Du moment que ces gens-là adorent autre que Allah, tout ce qu'ils adorent est faux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, invoquez-les, voici, ils vont vous répondre, ils vont jamais vous répondre. Ensuite il mentionne l'autre verset, le verset 14 dans surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils n'allaient pas vous répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier, hein, l'adoration que vous étiez en train de leur vouer. Donc ça, c'est pour dire que il n'y a pas de porte ouverte pour vous, pour quoi que ce soit de ce que vous pratiquez comme fausse croyance ou fausse religion d'idolâtrie et de shirk. Hein? Tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, il ne peut pas vous répondre, il ne peut rien faire pour vous. Peu importe qu'est-ce que vous adorez, ou peu importe qu'est-ce que vous invoquez, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذِهِ مُخَاطَبَةٌ لِلْعُقُولِ Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il s'adresse à l'intelligence des hommes, il s'adresse à leur logique, pour les faire réfléchir, pour les faire comprendre que ce qu'ils font c'est ridicule, que ça ne tient pas debout, que ce n'est pas logique. Hein? Malheureusement, il y a très peu d'êtres humains sur la terre qui réfléchissent. Hein? Donc le cheikh dit, فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ فَالْعِبَادَةُ حَقٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور وهو يتمثل أمر الله سبحانه وتعالى ويبلغه للناس. Donc le cheikh dit que, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, en fait c'est la suite du verset 104 dans surat Yunus que le cheikh a mentionné, il dit, فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ Mais je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais par contre j'adore Allah seul. L'adoration est un droit d'Allah, c'est un de ses droits. Hein? Et donc, on ne peut pas offrir l'adoration à autre que lui. Hein? Comme quand par exemple, il y a les êtres humains sur la terre, ils sont toujours en train de revendiquer des droits, puis de demander leurs droits, ils oublient le plus important de ces droits-là, c'est le droit qu'on doit remettre à Allah. C'est quoi ce droit? C'est l'adoration. C'est de l'adorer. Hein? Et ça, beaucoup d'êtres humains, ils ne considèrent même pas ce droit-là, ils ne remettent même pas le droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est le plus important, l'adorer Allah lui seul, et de rien adorer avec lui, de rien associer avec lui dans l'adoration. Ça, les êtres humains ne donnent pas d'importance. Hein. Mais les autres droits qu'a signé leur personne, ça ils sont toujours en train de crier et de revendiquer. Donc, ça c'est le plus important des droits. Il est plus important que notre droit à nous-mêmes, hein, quand on a un droit par rapport à un autre être humain, ou bien un droit... Hein, parce que il y a des êtres humains autour de nous, chacun d'entre eux selon les liens de parenté qu'il a avec nous, selon les relations qu'il a avec nous par rapport à l'islam, par rapport à la foi, ou par rapport au voisinage, ou par rapport à autre chose. Donc ils ont tous des droits sur nous. Hein. Ça c'est important, ces droits-là. Mais le plus important d'entre tous les droits, c'est en premier le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'a pas adoré Allah, il a manqué de respect envers le plus important des droits, et ça veut dire que c'est la plus grande injustice. C'est pour ça que le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice que quelqu'un peut commettre. Hein? Le shirk, il dit ensuite que, alors, il cite la fin du verset, et c'est lui qui vous fait mourir. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait mourir. Celui que j'adore, c'est lui qui vous fait mourir. Et j'ai été ordonné et commandé d'être parmi les croyants. Donc, le messager, il est commandé. Il est ordonné lui aussi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le transmettre aux hommes. Donc, celui que j'adore, c'est celui qui vous fait mourir, c'est-à-dire, c'est lui qui contrôle tout. Contrairement à ce que vous adorez. Après, il dit, وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين آيات عظيمة فيها مفاصلة بين الحق والباطل ليس فيها لبس ولا غلول الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله وهؤلاء يعبدون غير الله بل يعبدون مخلوقات ليس بيدها شيء ولا تملك شيئا فهذه مفاصلة بين التوحيد والشرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء جديد لا ولا دعا إلى عبادة نفسه وإنما دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إذن فالإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يعبد الله هو أن يعبد الله وتترك عبادة ما سواه الشيخ termine donc ce point là en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans les versets de 105 à 109 dans Sourate Yunus. Il dit, il cite tous ces versets-là, tout ça c'est des arguments pour le tawhid et la réfutation des mushrikin. Et le Coran il est rempli de ça. Il est rempli de versets pour la défense du tawhid et la réfutation du shirk. Donc, des arguments contre le shirk et les mushrikin, vous en avez hein, des centaines et des centaines dans le Coran. Donc, c'est tellement clair en plus, vous allez voir des exemples, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet-là. Il dit, وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا C'est-à-dire, mets ton visage hein, droit devant Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement dans la religion du tawhid, la religion qu'on appelle al-hanifiyya, soit un hanif. Soit un hanif, c'est-à-dire tu t'écartes du shirk et tu te tournes vers Allah seul et ne sois pas du nombre des mushrikin. Et n'invoque pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit de ce qui n'a aucune capacité de te faire un bien quelconque ou de te nuire. Et si tu le fais, alors tu seras du nombre des injustes. Si tu adores autre que Allah, alors dans ce cas-là, tu seras du nombre des injustes. Et il dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala te touche par un mal quelconque, personne ne pourra t'enlever ce mal, excepté lui. Et si il te veut un bien quelconque, personne ne peut repousser sa grâce. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala veut te toucher par un mal, personne dans l'univers pourra te l'enlever ce mal, excepté lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien pour toi, personne ne peut repousser cette grâce. Hein? Donc, en qui tu dois mettre ta confiance? En Allah. Hein? Puisque c'est lui seul qui contrôle tout ça. Et il dit, يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Il fait toucher, il fait que cette grâce, s'il l'a fait toucher à qui il peut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Il dit, dis au Muhammad, ô vous les hommes, il vous est venu la vérité de votre Seigneur. La vérité vous est venue de la part de votre Seigneur. Alors, quiconque est guidé, hein, quiconque a cherché à se guider lui-même, à suivre la guidance, alors il s'est guidé pour lui-même, pour son bien à lui. Et si il s'est égaré, il a choisi l'égarement, alors il s'est égaré uniquement contre lui-même. C'est-à-dire, c'est un mal qu'il fait à lui-même en s'égarant et en choisissant l'égarement. Et je ne suis pas un garant pour vous. C'est-à-dire, si vous, vous avez été guidé, alors, yani, c'est un bien pour vous. Et si vous êtes égaré, vous n'avez personne à blâmer que vous-même. Et moi, je ne suis pas un garant pour vous. C'est-à-dire, c'est pas moi qui est responsable de vous une fois que vous avez choisi la guidance après avoir entendu la vérité. Hein? Vous êtes responsable de vous-même par la suite. Si quelqu'un, par exemple, tu lui as donné la vérité, il a reçu le message, et il a choisi de rester dans l'égarement, on n'est plus responsable de cet individu-là par la suite. C'est ça, parce qu'il a, tu lui as montré la guidance, et lui, il a choisi de rester dans l'égarement. Hein? Et il dit ensuite, « وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ » Il dit, « Et suis ce qui a été révélé sur toi, et sois endurant jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala établisse son jugement. Et c'est le meilleur des juges. » Donc c'est le verset 105 à 109 dans Surat Yunus. Hein, c'est une interprétation ou une traduction des sens de ces versets-là. Hein, donc, ensuite il dit, ça ce sont des grands versets dans lesquels il y a des réfutations claires des mouchriquins et du shirk. Ce sont des versets qui tranchent clairement entre la vérité et le faux. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans ces versets-là, c'est clair. Hein? C'est pas le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est adoré. Hein? Le cheikh dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya'bud Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore, c'est pas le messager. Et le messager lui-même, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les mouchriquins, eux, ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, ils adorent des créatures qui ne possèdent rien. C'est pour ça que, il y a même par exemple les gens qui portent des porte-bonheur ou des choses comme ça, les ulama, ils les ont réfutés en mentionnant les versets qui parlent des idoles. Ils se sont basés sur les versets qui parlent des idoles, qui sont le shirk majeur pour réfuter ces gens-là, qui portent des porte-bonheur, des talismans, des choses de ce genre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ça tu dis ça à des musulmans, il y en a qui viennent des pays musulmans, tu les vois avec des porte-bonheur dans leur cou, ou bien des bagues avec des talismans dedans, ou des choses de ce genre, tu lui dis ça c'est shirk, t'as pas le droit de porter ça, t'as pas le droit de mettre ça, hein. Et là ils te disent, mais non c'est pas shirk, on met ça comme ça, c'est juste, c'est rien, hein, on met juste ça comme ça, mais bon ça repousse le haine ou des choses comme ça, mais c'est pas shirk. Ils savent pas qu'est-ce que c'est le shirk. C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala te prend par un mal, hein, quelconque, personne ne pourra te l'enlever, excepté Allah. Ça veut dire, si un aïn te frappe, ou bien si yani, quelqu'un veut te faire un aïn, il n'y a personne qui peut repousser le haine excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il y ait un bien qui te touche, il n'y a personne qui peut empêcher ce bien-là de te toucher. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ. Donc ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ces choses-là et qui contrôle. Et toi tu ne peux pas dire je vais utiliser cette chaîne, ou ce talisman, ou ce porte-bonheur, ou cette chose, puis ça va me protéger. Parce que t'as pas de preuve pour ça. Il n'y a aucune preuve pour ça dans le Coran ou dans la Sunna. Donc si tu te bases sur ce porte-bonheur-là pour te protéger, tu es dans l'égarement, tu es dans le shirk. Soit majeur ou mineur, selon l'intention qui est derrière, selon qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne. S'il pense que ce porte-bonheur, il a un pouvoir en lui-même, indépendamment d'Allah, de repousser le mal ou de faire venir un bien, ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. quelqu'un devient mushrik, kafir, sort de la religion. Parce qu'il pense que cet objet, elle a un pouvoir en elle-même. Et ça, c'est du shirk. Il a associé à Allah un autre Dieu dans la rububiyya, dans la souveraineté. Il pense qu'il y a quelque chose d'autre en dehors d'Allah qui a un contrôle dans quelque chose qui est dans l'univers. Mais il n'y a rien dans l'univers, excepté que c'est Allah qui contrôle. Même un atome, il n'y a pas autre que Allah qui le contrôle. Même un petit atome que tu ne peux même pas voir avec tes yeux, il n'y a personne d'autre que Allah qui le contrôle. Et il ne partage pas le contrôle de l'univers avec rien. Donc si tu dis, toi, ce talisman, il a un contrôle dans le bien ou le mal dans l'univers, ça veut dire que tu as associé avec Allah dans la rububiyya. Si tu dis, non, je ne le porte pas parce qu'il contrôle lui-même ou il peut repousser le mal indépendamment d'Allah, mais c'est un moyen, une cause. Ça, dans ce cas-là, c'est un shirk asrar, un shirk mineur. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un grand péché parmi les kaba'ir et ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur. Donc c'est très grave et très dangereux. Et ça annule l'action. Donc il faut faire attention. Hein? Et il y a des gens qui prennent ça à la légère aujourd'hui parmi les musulmans, ils pratiquent ça par coutume. Et le fait que ceux qui leur donnent ces talismans-là sont des soi-disant chouyours, ou des gens qu'ils considèrent comme étant des religieux, comme des marabouts ou des choses comme ça, alors ils pensent que ça a un lien avec l'islam, et que c'est quelque chose de bien. Hein? Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, mais ça, bon, ok. Il y a une différence quand même. Dans le sens que, il y a des gens qui portent, un objet. Soit un œil, avec une main. Ou bien une patte de lapin. Ou bien un porte-bonheur quelconque. Ou bien ils vont porter une bague avec, à l'intérieur de la bague, il y a quelque chose qui a été écrit dessus. Des fois c'est des chiffres. Des fois c'est des formules, qui sont même pas dans une langue lisible. Des fois, c'est des incantations adressées aux shayatines et aux djinns, hein, et des choses de ce genre. Ça, c'est shirk, kufr akbar, rien ni ça, c'est, hein. Mais, si c'est des incantations ou des talismans, des choses comme ça qui sont écrits, comme il y en a qui écrivent des versets de Coran et des choses de ce genre, eh bien, à ce sujet-là, les ulama, ils ont mentionné qu'il y avait divergence sur l'utilisation des versets de Coran comme forme de protection, des choses comme ça. Et il y en a qui ont permis ça, il y en a d'autres qui l'ont interdit, parmi les salafs. Et la position qui est correcte, c'est que ce n'est pas permis de l'utiliser comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les versets de Coran. Et notre référence à nous, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il y a une divergence, on revient à Allah, à son messager, comme Allah dit dans le Coran, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Donc, on revient à Allah et son messager, et on regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le Coran et la Sunna. Est-ce qu'il l'a utilisé de la manière dont ces gens-là l'utilisent? On prend le Coran, puis on le met comme par exemple, comme un porte-bonheur, dans notre poche, ou dans sur notre corps, ou bien sur le mur, et puis on dit que ça va nous protéger, ou bien on l'utilise comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de le réciter sur nous-mêmes, ou bien de le mettre en application pour se protéger. Ça, c'est la façon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de l'utiliser comme ces gens-là l'utilisent, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est d'imiter. Qu'est-ce que les mouchriquins font? Ils émettent l'utilisation des mouchriquins, sauf qu'ils utilisent le Coran à la place. Donc en réalité, c'est la même chose. Ça devient une sorte de talisman, ça devient une forme de shirk aussi. Puisque le papier et l'encre, en eux-mêmes, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent pas te protéger. Mais c'est la récitation de la parole d'Allah et l'application de la parole d'Allah qui peut te protéger, et non pas l'encre et le papier. Hein? Donc le cheikh, il dit que tout ce que ces gens-là adorent dans Allah, ce sont des créatures. Et elles n'ont pas le pouvoir de contrôler quoi que ce soit dans l'univers. Et ça, c'est la distinction entre le tawhid et le shirk. Et le messager, il n'a rien ramené de nouveau. Il n'a pas adoré les gens à l'adorer lui-même. Il a uniquement appelé les hommes à adorer Allah seul. Et donc, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, c'est fondamentalement c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui. D'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un vous demande c'est quoi l'islam fondamentalement, c'est quoi le message fondamental de l'islam, qu'est-ce que vous devez répondre? Non, c'est d'adorer, que le message fondamental de l'islam c'est quoi? C'est que on doit adorer seulement Allah et le tawhid, ça c'est en résumé, si tu le dis en un mot, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est le tawhid. C'est quoi le tawhid? C'est d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui dans l'adoration. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu veux résumer l'islam en une phrase simple et courte et clarifier le message, l'essence et le fondement de cette religion, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Il y en a d'autres, quand tu leur demandes c'est quoi l'islam, ils vont te répondre n'importe quoi, ils vont te sortir des philosophies. C'est la paix, c'est l'amour, hein, c'est l'harmonie. Ça c'est pas l'islam, ça c'est pas la définition de l'islam. Le message fondamental de l'islam c'est la ma'boud illallah, la ma'boud bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite réellement d'être adoré excepté Allah, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il est à rejeter, faux. Faut pas la, on n'a pas le droit de l'accepter. Ça c'est le message fondamental de l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. لا معبود بحق إلا الله. Ça c'est la traduction de la signification du témoignage de la ilaha illallah. Donc maintenant qu'on a fini, on va s'arrêter.